leur dormir de l'espoir m'est permis. Pourtant je veux jouer ma chance, même si je devais y brûler ma vie. Love me, please love me. Je suis fou. Mais vous, vous moquez toujours de mon corps. D'amour.